diligenti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, quelle genti che passeranno, me diranno dei bel fior. Je veux nager sur une tonne de billets, m'endormir sur des liasses de 50. On avait dit on tire sur personne, on avait dit pas une goutte de sang. Quand le papier y'a pas, bah le mois t'appelle. Une équipe de 8, un gros paquet d'oseille. Tout est bien ficelé, mais tu montes sur un coup avec des gens que tu connais à peine. Merde, professeur faut qu'on le fasse, j'ai des projets. Moi la rue m'a mis des feintes et des crochets. J'fais le cas du cycle, j'paye une baraque à ma remet. Heureusement qu'on vise à casse à des papels. On était si bien, rappelle-toi. Mais on voulait manger plus, en plus tout le monde a déjà fait du car plat. Au milieu des rouleaux, la pression faut plus. Ici pour prendre des tulpes, pas ici pour perdre. Quand siffle les balles, le plan devient confus. Et là tu comprends vite que tu peux tout perdre. Donc faut pas lâcher, montrer que t'en as dans le fut. Quitte à se faire des bobos, j'appelle une équipe de buzzers. Et je reviens en cross comme Tokyo. On sent espagnol, changer de vie quitte à y laisser que des paroles. J'ai jamais aimé perdre, on est là pour la gagne. Donc tout le monde à terre pour que personne ne canne. Le canon est chaud, la mort est froide. Prendre les queues, c'est taillé loin de l'Andalousie. Méga vend des meufs, font semer les keufs pour récolter le blé et la jalousie. On vient de voir mon poteau, on veut pas tout perdre. Moi je viens de là où même s'il y a plus, on veut tout prendre. Tu montes sur un coup, y'a le fils et le père. Au moins si ça réussit, la part est plus grande. Faut bien jouer ses cartes ou baiser dans la part. Cours sur ton flingue si t'entends crier l'autre. Faut manger les filets, pas toucher la barre. Regarde ce qu'on fait pas pour des dineros. Ouais, un bandit c'est trop sous-côté. On remet souvent en cause son intelligence. Y'aura toujours des failles dans ton plan, même s'il a été pensé 5 ans à l'avance. Professeur, est-ce que ça va aller? Dis-moi que tu nous as dégoté le pont-filon. Dans ma frette, c'est la merde. Donc, pour oublier méga mélange d'abus et pilon. Diligenti.